Bref, je voudrais, mes chers frères et sœurs, je voudrais, avant d'entamer le second prêche, qui sera très court, je voudrais vous donner un aperçu sur ce que je viens de dire en arabe, afin que nos frères francophones en saisissent l'essentiel. Quand les responsables de cette magnifique mosquée m'ont proposé de faire ce prêche en ce vendredi béni, je me suis dit que le mieux pour moi serait d'aborder un sujet qui ait rapport avec notre quotidien. J'ai donc penché et choisi de parler de l'état piteux dans lequel végète la communauté musulmane de par le monde et d'essayer de recenser ses causes, les causes de cette végétation, et trouver des éléments de solution, me basant, entre autres, et dans tout cela, sur les versets du chapitre de l'Exode, Surat al-Hashr, qui nous recommande de faire régulièrement notre mea culpa et de nous parer de piété, wattaqullah, dans l'espoir de nous inscrire dans les rangs de ceux qui réussissent auprès de Dieu. Pour répondre à cette question, je me suis dit que la cause essentielle qui fait que les musulmans sont aujourd'hui en queue de peloton du progrès n'est autre que leur éloignement caractérisé des bases fondamentales de leur religion, qui sont cette religion qui prône un certain nombre de bases et qui sont rigueur, unité, fraternité et organisation. Or, il est évident de nos jours que les musulmans sont loin de ces quatre bases fondamentales. Ne sont-ils pas aujourd'hui plus paresseux que jamais? Où est donc la rigueur prônée par l'islam? La division n'est-elle pas devenue l'une de leurs plus grandes caractéristiques? Où est donc l'unité et la fraternité? Et l'anarchie ne bat-elle pas son plein dans la plupart de nos contrées musulmanes? Où est donc l'organisation? Aussi, tous les éléments de la force et du progrès ne sont plus de mise chez eux, c'est-à-dire chez nous, les musulmans. Et ce n'est certainement pas l'islam qui est responsable de cet état piteux dans lequel nous nous trouvons. Rappelons à ce titre la phrase dite par Omar ibn Khattab et dans laquelle il explique que les Arabes étaient méprisables. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur donna de la valeur lorsqu'il leur offrit l'islam. Il conclut alors que si jamais les Arabes et les musulmans cherchent le mérite dans une autre chose que l'islam, ils ne pourraient que redevenir méprisables comme ils l'étaient avant d'être musulmans. Mais de quel islam parlons-nous? Il s'agit de l'islam décrit par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam que les compagnons ont appliqué avec l'approbation du messager de Dieu. Et non cet islam folklorique qui se base sur la légende et l'innovation et qui a abandonné toutes les valeurs morales qui le caractérisaient. Il est clair, à la lecture de l'histoire, que chaque fois que les musulmans se sont rapprochés de Dieu en appliquant l'islam originel, ils ont eu le droit au dernier mot et ont progressé à la vitesse grand V, et pour être à jour, encore plus rapidement que les neutrinos, pour ceux qui en ont entendu parler. À l'opposé, leur décadence, la décadence des musulmans, a toujours été relative à leur degré d'éloignement des enseignements divins. Nous pouvons citer, pour étayer cette théorie, quelques exemples, dont celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qui ont réussi à mettre la main sur une grande partie du globe terrestre en moins de 40 ans, avec des moyens plus que négligeables, tout le monde le sait. Ensuite, vinrent après eux d'autres grands hommes qui, grâce à leur piété et à leur dévotion, ont également fait des miracles. Nous ne citerons pour exemple que celui de Omar ibn Abd al-Aziz, qui en moins de 30 mois, je dis bien 30 mois et pas 30 ans, en moins de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, a réussi à faire régner paix et prospérité sur tout son royaume, qui s'étendait alors des confins de l'Afrique du Nord aux limites du sud-est asiatique. Sans compter ceux qui vinrent après lui, comme Tariq ibn Ziyad, Salah al-Din al-Ayyubi, Yusuf ibn Tashafin, ou autres comme Muhammad al-Fatih, qui, à l'âge de 20 ans seulement, réussit à pacifier Constantinople et à l'intégrer en terre d'islam, puis la nomma Istanbul. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi al-din wal-dunya wal-akhirah wa sallallahu wa sallam ala al-habib al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil-Qur'an al-Karim wa bi-hadith sayyid al-awwalin wal-akhirin khatim al-anbiya wa imam al-mursalin wa yarhamu Allah 'abdan qala amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.